cerveau, de la feuille au micro, à l'ordinateur et un matin de trop. La tête dans les nuages, les pieds dans la boue, ça roule ma boule. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les neurones. La rage crache, bave, découler de lave musicale. La musique appelle, la musique, les mots rappellent, les notes, alors les règnes comme un dictateur. Mais le peuple fait la grève et le sol fait, j'en arrache les tripes, ras les baskets, de se voir imposer des règles. Je veux du baroque plein les oreilles, les orteils, c'est pareil, c'est la même. D'avoir à supporter les mots de corps et autres futilités. Donnez-moi du rythme sans imposture, sans ruse, sans trouille nette et sans bavure. Sans ruse, sans trouille nette et sans radure. Sans ruse, sans trouille nette et sans bavure. Le tout teinté de liasses, de fric, de l'argent propre, c'est rare à cette époque de l'histoire. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire, d'un chic type qui cherche à se faire la belle en trifouillant des barbelés. De portée musicale, mes clés sont habiles, je jongle avec elle comme elle sonne. Jongle avec les notes, je jongle avec les notes qui sonnent dans mon piano. Et le rythme chauffe sous mes pieds énuclés à coups de pelle et de râteau. Le tout jusqu'au micro, tout ça vient du caniveau, transite jusqu'au cerveau. Mais mieux vaut ne pas se trouver sur la trajectoire de nos ambitieuses poussées musicales. Père ces abyssales, mais qui aligne les mots aussi placidement que des balles dans le canon d'un vieux fusil. Sans ruse, sans trouille, ni la moindre rature. Sans ruse, sans trouille, nette et sans bavure. Voilà comment je vois la vie. Sans ruse, sans trouille, nette et sans rature. Voilà comment je roule en ville. Sans ruse, sans trouille, nette et sans bavure. Ça va mieux mais pas de beaucoup. Alors que la volonté peine à me sortir de mon carcan. Mais plus on va mal, plus la musique défie les lois en harmonie de gamme majeure en cadence parfaite, imparfaite. La musique qui ruisselle le long de mes veines et c'est très très bien comme tel. Sans ruse, sans trouille, nette, sans bavure. Voilà comment j'écoute la musique reine. Et j'ai rêvé de fumer de la libanaise balèze. La politique balèze, balèze, balèze, balèze, comme un chef sur un jeu d'échecs en échec pour mes adversaires. Ils savent plus où se mettre et la sueur coule près du caniveau jusqu'au cerveau. De la feuille au micro à l'ordinateur et un matin de trop. La tête dans les nuages, les pieds dans la boue, ça roule ma boule. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour l'addiction à l'insomnie de nuit. Endiablé, passé au rythme de l'enchaînement de rimes triées sur le volet qui claque boum tam bim. Me réveille de mes songes, verbe ou diarrhétique. Voilà comment tout ça se finit, tout ça pour finir dans le lit d'une fille à qui je dirais: t'es belle comme une Libanaise, belle comme une Libanaise.